Ha! Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à expliquer l'inexplicable, s'engouffrant dans des raisonnements inextricables, mais parvenant à justifier l'injustifiable. Les pourfendeurs dans notre genre n'ont ni dieu, ni maître, ni diable. C'est peu perspicace, mais je lâche les douilles. Les monothéistes nous cassent les couilles. Et ça, c'est vérifiable. Y'a pas que la liste des événements récents qui me fait dire ça. Allez, offusquez-vous si vous vous sentez visé, mais laissez-nous retourner à l'état de non-évangélisé. De toute façon, dans tous les cas, on se foutra sur la gueule. Ça, c'est l'unité dont vos foutus prophètes nous ont vanté l'idée. Sans hésiter, une seconde, on en a rien à secouer, nous on sort de scène, on n'est plus de ce monde. Si, je respecte les choix de chacun, mais je me disais qu'un petit pamphlet bien décoré, ça ferait joli sous le sapin. Je t'ai peint un truc en noir et blanc, c'est beau. Je pense que pour une seule entité, oui, 5 continents c'est trop. Pas plus de châtiment divin que de paradis, de paradis. J'endosse le rôle de mécréant, c'est drôle, mais je n'ai pas de rêve. Pas de rêve, seulement des plans d'action. Pas le temps de m'appuyer sur les parois poreuses des lamentations. Pas besoin de résolution coercitive, sans façon. Je suis un grand garçon, merci petit. Il est intolérable, 2 siècles après la séparation de l'Église et de l'État, dans un pays qui pousse la laïcité officielle au rang d'institution nationale, que des anti-athées hystériques accaparent l'antenne de la télévision le dimanche matin, les minorités athées non priantes, non bigotantes et mal bétifiantes sont méprisées et bafouées, et je pèse mes mots, au profit de grotesques manifestations incantatoires d'une secte en robe dont le monothéisme avoué est une véritable insulte à Darwin, aux religions gréco-romaines, et à ma sœur qui fait bouddhiste dans un bordel de Kuala Lumpur. Voilà, je précise que j'envoie par ce même courrier une copie de cette lettre à Dieu et que ça va chier, que ça va chier, que ça va chier. Des déesses souvent généreuses et fertiles, on est passé au coup, certes-ils croient aux messes pétées pieuses, non merci. Ce truc s'insinue en nous depuis des siècles, j'ai beau le réprimer sec, ils me gardent bien en joue. Non, je leur rajoute pas, l'homme a cessé d'évoluer. Ainsi parlait Zarathustra, ils nous ont pollués. Paternalisme, répression, altération des sexes, ça donne dans toutes les nations, dépression et secte. Je sais que le sujet dérange, on a besoin de sa balise, mais je désacralise, folklore archaïque, horrible étrange. Cette main mise sur la pratique des trucs qui les rangent, on tâte de la trique et on change, puis sans l'enchaîne la panique. On a la sale manie, le transmettre à nos gosses, eux ils sont ravis, voir une masse livrant elle-même un holocauste, cause pas du fait qu'une entité puisse être à l'origine de tout. Mais j'exècre cette laisse foutée qui dégratine le cou. Le coup près n'est plus très loin, et on va bouffer les hosties par la racine à cause de témoins de Jéhovah. Que leur théorie fantasque et raciste, détrompe-toi, cette place assise dans la église ne t'assure pas, paix sous ton toit. Mosquée, synagogue, n'y arrive pas non plus. T'es comme celle qui avorte, ils ignorent tes blessures, blâme ton but. Claque leur donc la porte au nez, construis-toi, réclame ton dû. Depuis 2000 ans, un boa constrictor, garde ton cul. Et on ne peut leur pardonner. Et on ne peut leur pardonner.